Écoutez, ce matin, ce ne serait pas tellement une prédication, plutôt, j'ai amené une Bible juste pour faire bonne parure, quand même, sur tout ça. Et j'ai amené des notes, mais je ne suis pas très noteux, alors je sais encore, parfois je sors ma montre aussi, puis je ne la considère pas trop. C'est tout pour donner tous les belles exemples, mais... Je me laisse emporter toujours. Je suis plutôt un parleur. Je ne suis pas un prédicateur, vraiment, mais j'aime raconter parfois des histoires et me laisser surtout partager, un partage que je voulais vous apporter ce matin. Alors, pour nous orienter, parce que je peux, moi, parler comme ça, à rien dire pendant des heures et des heures. Alors, juste pour nous donner au moins une piste à suivre, quand j'ai reçu l'appel de Martin cet automne pour m'inviter à venir vous partager, j'avais vraiment à cœur de vous parler de la reconnaissance et de la révérence. Et avant, donc juste pour contextualiser, ce sont des réflexions que j'essaie d'intégrer dans ma propre vie depuis bien, bien longtemps. Et d'ailleurs, on vient juste d'avoir dans la prière un moment de reconnaissance en collective. La plupart des prières étaient des prières de reconnaissance et ça, c'est magnifique. On pourrait dire que la reconnaissance est une discipline spirituelle, individuelle et collective. Et donc, c'est une discipline qu'on intègre de plus en plus dans nos vies. Mais juste pour vous situer, et peut-être le contexte de mon partage ce matin, et peut-être une des raisons pourquoi j'utilise un petit peu moins la Bible, peut-être juste pour donner quand même être au niveau, je vais peut-être citer un ou deux versets, comme que vous puissiez voir que c'est bien un enseignement biblique que je vous apporte ce matin pour me justifier. Mais une bonne partie de mon ministère se porte donc à l'extérieur de l'Église, hein, donc avec Jeunesse en Mission et les divers ministères qu'on développe. Et depuis bien des années, j'essaie surtout, et ma plus grande préoccupation, c'est comment avoir un dialogue, un discours qui est compréhensible pour les gens pour qui la Bible n'est pas une référence. Comment partager ma foi dans un langage qui leur sera compréhensible. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé l'an dernier, avec nos étudiants. Donc, on a un ministère qui s'appelle Réseau mondial jeunesse, et avec RMJ, nous avons des étudiants majoritairement non chrétiens, des universitaires qui partent donc faire de l'humanitaire au printemps de chaque année. Donc, pour le mois de mai, après leur année scolaire, à la fin des examens. Alors, nous, on recrute à l'automne, on forme tout au long de l'hiver, et après ça, on les amène donc dans des pays, donc au Burkina Faso. Cette année-ci, l'équipe s'en va vers le Salvador, mais la majorité de nos participants ne sont pas chrétiens. Ils savent que RMJ est un organisme chrétien, ils ont vu ça quelque part, on leur dit clairement, mais en même temps, c'est un contexte où on respecte les gens, on chemine avec eux là où ils sont. Et c'est pour ça, donc encore, c'est un contexte dans lequel j'ai pu partager, effectivement, dans un atelier l'an dernier, c'est un sujet, la reconnaissance, la révérence, comme discipline personnelle, discipline spirituelle, c'est accessible pour un chrétien comme un non-chrétien. J'essaie d'utiliser, donc, vivre ce rapprochement avec les gens, un rapprochement pour reconnaître qu'en quelque sorte, tous les aspects, toutes les dimensions de notre vie spirituelle en tant que chrétien concernent les êtres humains de toute façon. J'essaie effectivement de développer, de comprendre ma foi, non pas juste à l'intérieur de l'Église, non pas juste à l'intérieur de la Bible, mais simplement dans notre réalité humaine, dans le monde. Nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains, comme tous les autres, créés à l'image de Dieu. Alors, en règle générale, les disciplines, les pratiques peuvent effectivement être partagées plus largement que juste peut-être le contexte plus liturgique ou le rituel particulièrement chrétien. Il y a quand même des valeurs, des principes qui sont quand même accessibles aux gens. Et donc, peut-être c'est un terrain un peu glissant, un peu peut-être ambigu, mais il faut aussi dans le monde actuel savoir avoir un bon sens de qui on est, un bon sens de quelle est notre foi, pour pouvoir aussi l'interpréter dans les milieux et avec des images qu'eux vont comprendre, hein, et avec des références qui sont les leurs autant que les nôtres. Alors, ça, c'est pour moi, c'est devenu très, très important au courant des années. Alors, c'est dans ce contexte-là que toute la réflexion sur la reconnaissance, l'observation, reconnaître, apprendre à reconnaître, à regarder, à observer, alors, est devenu très, très important pour moi. Peut-être qu'on devrait peut-être avoir un petit moment de prière, puis on va demander au Seigneur de me donner vraiment une direction claire, parce que moi, je peux partir, comme je vous ai dit, dans plusieurs tangentes, et je voudrais quand même que ce soit significatif pour nous ce matin. Seigneur, c'est toi qu'on veut reconnaître, c'est toi qu'on veut révérer. Seigneur, c'est toi qu'on veut observer, apprendre à observer dans le monde, dans toutes les facettes de ta personne, et que nous voulons aussi apprendre à obéir dans le quotidien. Seigneur, merci pour ta bénédiction, merci pour cette parole, merci pour cette assemblée et merci Seigneur de venir nous accueillir. Amen. Hier, j'ai passé la journée avec Caleb sur les pistes de ski de fond entre Val-David et Val-Morin. On a passé une journée extraordinaire. Caleb et moi, on essaye de se retrouver en été à la pêche une fois. Et en hiver, au moins une ou deux fois sur les skis de fond. Donc, juste les deux, hein, puis avoir vraiment ce temps de partage. On a passé une journée de reconnaissance et de révérence juste hier. On était sur les pistes, il faisait un beau ciel bleu. D'ailleurs, Caleb disait, écoute, j'ai jamais vu le ciel aussi bleu qu'aujourd'hui. Il est magnifique, il est texte. Caleb est un urbain. Hein, donc, il est né à Montréal. Il habite le centre-ville. Il joue, il est musicien, il est batteur dans deux groupes. Samedi soir prochain, les terroristes vont jouer dans un bar de la rue Saint-Laurent à 10h30. Puis son deuxième groupe, Rigmarole, vont jouer à minuit et demi sur l'avenue du Parc. Alors, si vous voulez voir Caleb, ça, c'est son milieu quotidien. Et il a choisi, avant les fêtes, de devenir busker. Il gagne sa vie à jouer, à gratter la guitare. Bien qu'il est batteur, il gratte sa guitare dans les métros de Montréal. Il dit, décidé pour un temps, ça va être ça son gagne-pain. Alors, il s'assume. Il s'assume. Alors, pour Caleb, de sortir à la campagne de temps en temps, puis être ébloui par ce qu'il voit, ce qu'on peut expérimenter. C'est un sportif aussi, un gars d'équipe, il a beaucoup joué les sports. Donc, d'avoir l'occasion de sortir de son milieu régulier, lui fait un énorme bien. Ça nous donne aussi un moment de rapprochement. Mais juste l'idée de la reconnaissance. Caleb était dans un contexte où il pouvait reconnaître la beauté qui l'entourait. La beauté, parce qu'effectivement, il reconnaissait tout le côté naturel de la nature. En ville, c'est tout ce que nous avons fait les hommes, c'est sale, c'est malpropre, parfois ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, il y a des choses extraordinaires, la musique. Mais quand même, la vie en ville, c'est entre nous. De sortir de ce milieu-là, pouvoir voir plus loin, ouvrir ses yeux. Donc, une reconnaissance de la beauté du monde. Et une révérence. À la fin de la journée, il était là, ému, touché. Il y a une certaine révérence, quelque chose qui a été éveillé, un sentiment. Hein? Donc, une prise de conscience. C'est ça un peu la reconnaissance. Hein? La reconnaissance, c'est la capacité de pouvoir dire merci. Et il m'a dit merci quand je l'ai déposé hier en fin d'après-midi. Il dit, papa, merci pour une superbe journée. Alors ça, c'est formidable de vivre ces moments précieux. On a, Caleb et moi, donc, certains aspects de notre relation qui est conflictuelle. Hier, ce n'était pas ça du tout. Hier, c'était l'harmonie. Et on a passé un moment extraordinaire. Mais je vous donne cet exemple-là pour vous aider à voir tout l'aspect de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain. Quelque chose qui est propre à tous les êtres humains. En quelque sorte, quand Dieu nous a créés, je fais une expérience avec les étudiants de culture urbaine à chaque année. Je les amène sur le Mont-Royal. J'enseigne sur la Genèse au début de notre école, début octobre, avant une semaine de cours sur le ministère en milieu urbain avec Glenn. Mais la première semaine, c'est donc l'image de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu. Puis je les amène sur le Mont-Royal pour vivre une expérience que j'appelle l'expérience Adam et Ève, the Adam and Eve experience. Et puis, je leur demande d'aller se promener dans la forêt, sur le Mont-Royal. C'est l'automne, plutôt la fin de l'automne, début octobre. Mais quand il reste quelques feuilles sur les arbres, les couleurs sont quand même là, quand même, début octobre, les couleurs sont là. Et je dis aux étudiants de mettre sur leurs pieds les bottines, essayer de se mettre dans les nu-pieds ou les bottines d'Adam et Ève, quand ils ont été créés dans le jardin, le premier homme, la première femme. que Dieu a créé. Et tout à coup, dans le jardin, quels étaient leurs premiers sentiments par rapport au monde dans lequel Dieu les avait placés? Hein? Créé donc dans la deuxième partie du sixième jour, Dieu avait créé les cieux et la terre, les animaux, les plantes, les oiseaux, les poissons, un environnement extraordinaire. Quels auraient pu être les sentiments fondamentaux, essentiels des premiers êtres humains? Alors, on revient et après une heure et demie, donc de méditation, de prière, d'écoute, on revient. Puis, en règle générale, ils vont dire la reconnaissance, simplement l'émerveillement. L'émerveillement, c'est, en règle générale, c'est le premier sentiment. Wow! Fabuleux! C'est assez extraordinaire. Donc, cette prise de conscience, wow! L'émerveillement. L'émerveillement nourrit en quelque sorte, la reconnaissance, l'émerveillement, déjà sur le coup, c'est massif. Et l'émerveillement, c'est un sentiment d'être dépassé, c'est magnifique. Mais progressivement, au fur et à mesure qu'on observe, qu'on regarde, qu'on contemple, on commence à reconnaître qu'il y a quelqu'un derrière. Hein? Donc, ça commence donc avec l'émerveillement, la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu pour le monde qu'il a créé et de voir qu'il est là. Et bien sûr, un autre des sentiments, un autre des prises de conscience, c'est la profonde responsabilité que nous avons en tant qu'êtres humains à avoir à gérer ce monde, à avoir à exercer la domination sur ce monde. Qu'est-ce que ça représente, le stewardship, donc la gestion de la terre? D'abord l'émerveillement, waouh, c'est fabuleux! La reconnaissance, merci Seigneur. Puis après ça, le sens de responsabilité. Je suis maintenant responsable pour le monde dans lequel Dieu m'a mis. Alors, tout un sens de responsabilité. Alors, on vient, puis on a ces partages, tout l'élément de la reconnaissance. Un aspect de la vie humaine qui est vraiment rapproché à l'observation, la méditation, prendre le temps de contempler, la contemplation, apprendre à reconnaître. Prendre un certain retrait, un certain recul pour voir l'ensemble, voir le détail. L'observation fait partie de la vie humaine à tous les jours. La communauté des artistes, les artistes sont en règle générale des observateurs, des gens qui regardent le monde, qui l'interprètent, qui essaient de l'exprimer de toutes sortes de différentes façons. Ils veulent, en quelque sorte, agrandir notre façon de reconnaître, notre capacité de reconnaître, de voir les choses différemment, d'un angle différent, des couleurs, des palettes de couleurs différentes, des formes différentes. Ça vient de l'observation. C'est une qualité essentielle à notre nature humaine, l'observation. L'observation, c'est aussi la fonction, mais je dis en quelque sorte que peut-être la fonction humaine, la fonction d'une créature la plus élémentaire, hein? L'observation. L'observation, c'est aussi relié à la science. Hein? Les scientifiques, la méthode scientifique est basée sur l'observation, sur un certain temps, de différentes expérimentations, etc., pour en retirer certaines lois, de la nature ou de l'espace. Hein? Mais la méthode scientifique, c'est aussi l'observation. On regarde, on observe. Ça, c'est la nature humaine. On est là pour observer. Dieu nous a mis ici pour observer, pour regarder, pour voir, que nos yeux soient ouverts, qu'on puisse vraiment tout regarder, observer, apprendre et le voir, lui qui est derrière, et pouvoir l'observer, lui. Par les choses qu'il a faites. Hein? Ça nous conduit ultimement vers ce que j'appelle la révérence, l'adoration, la reconnaissance. Donc, la révérence et la révérence et la reconnaissance sont très, très liés l'un avec l'autre. Hein? De reconnaître, c'est de reconnaître ultimement Dieu, de reconnaître et d'avoir une révérence. Ça éveille une certaine conscience, une prise de conscience. Une appréciation de l'autre. Alors, c'est vraiment, vraiment vaste et très, très propre à notre réalité humaine, notre nature. On est d'abord, et je disais que toutes les créatures, en quelque sorte, le fait d'être créature, c'est le fait d'être observateur. Vous voyez, donc, dans toutes les émissions à la télé par rapport aux animaux, les animaux, donc, prenons une grenouille parce que nous sommes des frogs, prenons les grenouilles, on connaît très bien. Les grenouilles qui ne fait qu'observer donc, dans son étang, il fait juste observer pour voir les autres insectes. Il observe et quand il a l'occasion, donc bien sûr il sort la langue, il mange. Tout est basé, sa survie est basée sur sa capacité d'observer. Un oiseau, peut-être un faucon dans les cieux, prend son temps à observer. Tout est toujours du regard, de l'observation. C'est la nature propre d'être créature de Dieu. Hein? C'est d'observer, de regarder. Alors, développer des capacités, des façons de voir plus large. Hein? Ça, c'est notre apprentissage en tant qu'être humain. Pour moi, je suis ravi de l'éternité, parce que pour l'éternité, j'aurai l'occasion de continuer à découvrir, à voir plus loin, plus grand. Et jamais est-ce que je pourrai connaître Dieu pleinement. Jamais est-ce que je pourrai épuiser toute ma capacité de reconnaissance. Je vais pouvoir grandir à la mesure que je reconnais. Mais, vous savez, la reconnaissance va nous conduire plus loin, va nous conduire à la révérence, à l'adoration. Finalement, l'observation nous conduit à l'obéissance. Hein, ce sont des termes. Donc, reconnaissance, révérence, observation, obéissance, ce sont des termes qui sont liés, qui sont similaires. Dans le milieu scientifique, je faisais part donc, il y a quelques instants, l'observation, par l'observation, méthode scientifique très, très simple, les êtres humains, depuis très, très longtemps, ont remarqué que dès qu'on échappe quelque chose, elle a tendance à tomber. Hein, donc, la loi de la gravité, on appelait ça une loi, la loi de la gravité. Ça fonctionne en tout temps. Et à cause de ça, donc, on ne se lance pas par les fenêtres, on ne saute pas prétendant qu'on est un oiseau donc, du haut de la place Ville-Marie ou du Belvédère au Mont-Royal. On a tendance à vouloir garder quand même les pieds bien sur terre, la majorité d'entre nous quand même, les pieds bien sur terre. Mais le fait d'observer, de reconnaître une loi, on lui obéit. L'observation conduit à l'obéissance. Alors, ce sont des termes bibliques, hein, l'obéissance, obéir Dieu, reconnaître Dieu. Ce sont des aspects très, très larges, mais très propres à notre humanité et qui s'appliquent à chaque être humain. Et donc, dans une société laïque comme la nôtre, séculière comme la nôtre, québécoise, on peut parler de ces réalités-là, de notre expérience humaine, dans un langage qui leur est tout à fait compréhensible. Ça nous concerne de près. Nous, en quelque sorte, ce qu'on veut faire, c'est les aider à voir un petit peu plus loin, avoir un peu plus de recul, un peu plus de retrait. C'est pour ça la discipline spirituelle, d'ailleurs, de se réunir un dimanche matin en tant que communauté pour pouvoir remercier Dieu, le reconnaître ensemble en tant que communauté. C'est une discipline spirituelle que nous avons choisie en tant que chrétiens, de nous retrouver en tant que peuple pour adorer Dieu, le reconnaître ensemble. Pour aller au-delà de juste les reconnaissances de jour en jour qu'on a dans la semaine, parce que tous les jours, on remarque quelque chose d'autre. On prend conscience de nouvelles réalités. On intègre. Et ça fait partie de notre vie humaine. Nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains avec tout l'ensemble de ce que nous sommes. Mais le dimanche, ou dans nos vies personnelles, à tous les jours, on a ces moments de recul. On se retire. Un moment de retrait, de prise de conscience, par lequel on essaie d'interpréter le tout de notre expérience, pour pouvoir tout enraciner dans notre relation et notre communion avec Dieu. Vous savez, Jésus était un des meilleurs des observateurs, vous savez. Et d'ailleurs, en préparant, donc, quand je suis arrivé ici ce matin, je me suis dit, mais c'est vrai, Jésus, très rarement, quand il parlait à la foule, est-ce qu'il sortait nécessairement l'Ancien Testament? Assez rarement qu'il citait des versets de l'Ancien Testament. Souvent, il commençait par ses observations de la nature, etc. Alors, nous aussi, il faut qu'on apprenne à interpréter notre foi, donc, selon les observations qui ne sont pas propre à tous dans la société, dans le monde. Jésus était un observateur extraordinaire qui voyait les détails, qui voyait l'ensemble et qui nous parlait de ce qu'il voyait, de ses observations. Jésus, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que lui était tellement bien dans sa peau, tellement clair dans son identité propre, Jésus n'était pas juste un introspectif. Ce n'était pas juste un gars qui un peu pogné à l'intérieur. Il n'était pas pogné. Jésus était bien dans son être, bien dans sa relation avec le Père. Il savait qui il était, bien enraciné avec lui-même. Vous savez, Jésus était tellement bien enraciné en lui-même que pendant 30 ans, il a vécu dans une parfaite discrétion dans le monde. Ça, c'est ce que j'appelle le premier principe de l'incarnation. Hein? Le premier principe de l'incarnation, c'est de laisser derrière soi sa culture religieuse. Hein? Ça, c'est tout un défi. Mais c'est ça que Jésus a fait dans Philippiens 2. Ça nous dit qu'il n'a pas cherché comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié. Puis dans Jean 17, il dit, dans sa prière, il dit, « Père, redonne-moi la gloire qui était mienne avant la fondation du monde. » Parce que pour un temps, il a remis de côté cette gloire. Pour un temps, il a décidé de ne pas être vu comme Dieu, mais simplement comme un homme. Et pendant 30 ans, dans son village de Nazareth, personne ne savait qu'il était Dieu, puis il était tout à fait bel et bien dans sa peau. En paix avec lui-même, en communion avec le Père, j'aime tout cet élément de la discrétion. C'est pour ça l'importance de connaître notre culture, être capable de nous incarner à l'extérieur juste de nos milieux religieux. Jusqu'à un certain point, il faut qu'on puisse apporter et vivre ce que nous vivons ici, mais à l'extérieur et dans le langage et la culture des Québécois, des Montréalais, quels qu'ils soient. Ça, c'est un défi. On n'apprend pas toujours ça, mais c'est un apprentissage. Mais Jésus était un observateur extraordinaire. Il partageait à partir des observations qu'il faisait. Et parce qu'il n'était pas un homme pogné, un homme insécure, préoccupé par rapport... Il était à 100% disponible pour les autres. Il était à 100% disponible pour observer. Il était un grand observateur parce qu'il n'était pas pris avec lui-même, avec ses propres préoccupations. Jésus n'était pas un homme préoccupé de lui-même, un homme qui cherchait uniquement à nourrir ses besoins affectifs ou ses besoins quelconques, ou remplir et combler ses propres désirs. Jésus était comblé. Vous savez, la reconnaissance, c'est aussi ça. Quand on prend le temps de reconnaître, il y a un lien avec le contentement. Quand on prend le temps de compter les bienfaits de Dieu, hein, quand on prend le temps de compter les bienfaits de Dieu dans nos vies, il y a une plus grande reconnaissance, une plus grande paix qui s'installe, un contentement, une plus grande satisfaction. Hein? Donc, un lien extraordinaire donc, entre la reconnaissance et le contentement. Et on a besoin donc de plus en plus nourrir ça au sein de notre société où les gens ne vivent pas dans le contentement. Les gens veulent toujours plus, veulent autre chose et sont toujours donc, dans cette profonde insécurité en train de chercher ce qu'ils ont besoin selon eux. Mais la reconnaissance, je n'ai rien besoin pour ça. J'ai juste à prendre du recul, je m'assois, je prends le temps de reconnaître et de contempler, de considérer. Puis dans cette considération, la reconnaissance m'amène aussi à reconnaître mes lacunes. Oui, plus que mes lacunes, mes penchants vers la droite ou vers la gauche. Vers la droite, vous voyez, ma droite est... Non, votre droite. Oui. Comprenez? Confus, complètement confus. Mais vous savez, quand on essaie de nos propres moyens de nous combler, c'est une impossibilité. On prend le recul, on prend le temps de reconnaître, d'apprécier, développer en nous cette qualité d'appréciation, de reconnaissance, de dire merci. Ça, c'est quelque chose de riche. Je me souviens, quand Joseph et Naomi étaient tout petits, plusieurs personnes, donc dans ma famille, des amis, nous disaient, Alice et moi, à plusieurs reprises, combien ils étaient épatés, surpris, comment que nos enfants prenaient toujours le temps de dire merci. C'était même pas forcé. C'était pas juste nous. Et tu vas aller te remercier ta tante hein, parce qu'elle t'a donné un cadeau. Ça venait d'eux-mêmes. Ça venait d'eux-mêmes. Et ça a toujours été une belle qualité chez eux. Leur appréciation. De ne pas prendre les choses pour acquis. En quelque sorte, c'est ça aussi la reconnaissance. C'est de ne pas prendre les choses pour acquis. Mais c'est aussi de reconnaître que parfois, on prend des travers, etc. C'est aussi l'occasion de reconnaître nos péchés, nos manquements, nos lacunes, demander pardon quand il le faut. C'est d'assumer la responsabilité, prendre responsabilité pour nous-mêmes. La reconnaissance, c'est tellement vaste. C'est aussi, puisqu'on, si on nourrit notre intimité avec Dieu, si on vit dans ce contentement et dans cette communion, comme Jésus, on devient des personnes de moins en moins préoccupées avec nous-mêmes, à l'intérieur, avec nos bibittes à nous. Les bibittes disparaissent progressivement. Alléluia! Des bibittes, j'en avais un paquet! Les termites, qu'est-ce qu'ils construisent? Les termites, vous savez... comment on appelle ça? Termitière. Alors, ma vie était une termitière quand j'étais ado. Et les huit sont partis. Hallelujah, praise God. Mais progressivement, vous voyez, donc, en quelque sorte, notre foi doit produire en nous, avec le temps, ces qualités de contentement, bien-être, où on est de moins en moins préoccupé avec nos besoins propres. Et on est d'autant plus disponible pour répondre aux besoins des autres autour de nous. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est de notre humanité. Et les gens ont besoin de voir une humanité chrétienne, une humanité complète qui vit pleinement la reconnaissance dans tous ses aspects. C'est tellement riche. Et cette reconnaissance va nous amener à d'autant plus une plus grande révérence, un respect, un égard. Une considération, c'est ça la révérence, hein, de développer ces qualités-là, tellement nécessaires, tellement essentielles. Et la révérence pour moi, le terme m'est devenu très, très important il y a quelques années en arrière, et j'en ai parlé un tout petit peu, je pense, dans mon livre, mais de reconnaître que chaque être humain est porteur de l'image de Dieu et que je dois à chaque être humain, quel qu'il soit, une certaine forme de révérence, un respect qui est plus que juste un respect, une révérence. Cette personne-là, aussi croche soit-elle, est quand même porteuse de l'image de Dieu. Je dois pouvoir voir plus profondément dans la vie de cette personne vulgaire, cette personne pécheresse, cette personne pécheur. Je dois pouvoir voir plus profondément l'image de Dieu dans cette personne-là, que cette personne est capable de faire de lui-même. C'est pas extraordinaire d'avoir parfois une révérence pour une personne qui n'a aucun respect pour sa propre vie. Et quand on a ce respect pour lui, il a tendance à regarder, mais à qui est-ce qu'il parle? Ça doit être quelqu'un d'autre, il ne se reconnaît pas parce qu'on a un respect pour lui, puis lui, il ne se sait jamais. Vous voyez, c'est pas ça d'inculquer chez l'autre, l'aider à redécouvrir qui il est pleinement. Ça, pour moi, ça fait partie de la guérison, de la restauration, de reconnaître, de voir plus loin. C'est ça qu'on a besoin de développer, cette capacité de voir plus loin, plus profondément. La révérence conduit, la reconnaissance conduit à la révérence, l'observation va conduire à l'obéissance. Parce que lorsque les gens reconnaissent, on va commencer à suivre des principes. Donc, il y a une sagesse, une sophia essentielle à notre humanité parce que Dieu nous a créés à son image. Ça, c'est un langage qui rejoint la communauté des Montréalais laïcs qui ne veulent rien savoir de l'Église en tant que telle, mais c'est un langage qui les concerne de près. Alors, il faut qu'on apprenne ces langages-là. Il faut qu'on apprenne à nous identifier à ces désirs et à ces aspects de notre nature commune avec mon prochain, ma prochaine. J'ai besoin de développer, nourrir et approfondir ça. Le plus profond sera ta reconnaissance, le plus profond ta reconnaissance. Le plus profond ton observation des faits et de la réalité, le plus profond, ton obéissance, parce que tu vas vivre selon ce que tu as toi-même observé. Alors, c'est ça l'évangélisation, en quelque sorte, aujourd'hui. Hein? C'est ça le témoignage chrétien qu'on doit apporter autour de nous. Donc moi, je vous encourage tout simplement à nourrir et à développer dans vos propres vies, constamment, dans vos temps de prière, en quelque sorte, nos temps de prière, nos cultes personnels, notre temps de recueillement de tous les jours. C'est une discipline qu'on a intégrée, un recul, une prise de conscience, action de grâce, reconnaissance. Et après ça, selon les choses qu'on a observées, les besoins, on prie pour Haïti, on prie pour tel et tel voisin, voisine, tel et tel besoin. Parce qu'on observe, on est conscient de ce qui nous entoure, des besoins. Et alors, on est disponible pour soutenir. Alors, ce sont des disciplines, donc la reconnaissance, la révérence, des disciplines spirituelles qu'on intègre en tant qu'individu, en tant que communauté, et qu'on peut, je crois, aider nos voisins, nos voisines, nos collègues de travail à intégrer certaines de ces disciplines-là, chacun, chacune à leur niveau, en espérant qu'un jour, et dans ce dialogue-là, il y a l'occasion aussi de les présenter à Christ. Hein, qu'ils puissent observer Dieu à l'œuvre. Donc, c'est ça le désir, c'est ça ce qui nous pousse, je crois, à aimer notre prochain. Alors, on va terminer avec un mot de prière. Je ne sais pas s'il y a des annonces ou pour la clôture. Il va closer. Good. OK. OK. Tu as un texte à lire? Super. Alors, on prie. Seigneur, je veux te remercier pour les artistes à Montréal. Je pense au plateau Mont-Royal où nous avons nos bureaux depuis tant d'années et le fait que 8% de la population sont des artistes professionnels, 10 fois la moyenne nationale du Canada. Il y a une concentration de personnes qui essayent de voir et de comprendre le monde différemment. Et Seigneur, souvent on peut être troublé par leur prise de vue. Qui nous surprend, qui nous étonne, qui parfois peut même nous offenser, peut-être même provocatrice. Et en même temps, Seigneur, on a besoin d'apprendre à voir différemment, voir plus largement. Et on doit, en tant que chrétien, être ceux et celles qui sont prêtes, dans une liberté, la liberté de l'artiste, en quelque sorte, de voir plus large et aussi, selon la discipline des scientifiques, aussi observer. Le principe, en retirer quelque chose, reconnaître la loi. Donc, il y a ces tendances entre ces deux communautés. Donc, plus, c'est ça, donc, mieux scientifique, c'est plus détaillé, c'est plus formel, conservateur en quelque sorte dans l'approche. Et les artistes, c'est un peu, c'est beaucoup ouvert, c'est plus intuitif, plus libre. Et quelque part entre ces deux communautés-là, tu accueilles toutes ces observations, parce qu'ultimement, ce qui est vrai nous amène à toi. Seigneur, je veux vraiment te bénir pour la façon dont tu nous as créés et qu'en tant que créature, on peut observer et te dire merci. Merci pour le contentement, la satisfaction, le bien-être qui est le nôtre par ta pure grâce. Merci Jésus. Amen. Bon, je vais me permettre de lire un texte parce qu'il est tellement. Je vais terminer par la fin du texte. C'est un mot que j'ai reçu de André Gaucher, qui est un ami à moi qui m'a beaucoup aidé dans les diverses aventures que j'ai eues à Sutton, à Montréal. Alors, mais le texte termine parce qu'il est vraiment branché sur tout ce que Pierre a dit. Je vous donne la fin, puis après ça, je vais vous lire le texte. Il suffit juste d'apprécier chaque petit moment et de le sacrer comme l'un des meilleurs moments de sa vie. Alors, je vous lis le texte. Alors, c'était pour. D'ailleurs, Denise voulait le lire en début d'année. Bon, ça n'a pas donné, mais je vais vous le lire maintenant. On se persuade souvent soi-même que la vie sera meilleure après s'être marié, après avoir eu un enfant, et ensuite après en avoir eu un autre. Plus tard, on se sent frustré parce que nos enfants ne sont pas encore assez grands. Et on pense que l'on sera mieux quand ils le seront, quand ils vont être moins tannants. On va être plus heureux quand ils vont être plus calmes, plus gentils, etc. Ça, c'était pas écrit. Ça, c'est mon cru, ça. On est alors convaincu que l'on sera plus heureux quand ils auront passé cette étape. On se dit que notre vie sera complète quand les choses iront mieux pour notre conjoint, quand on possédera une plus belle voiture ou une plus grande maison, quand on pourra aller en vacances, quand on sera à la retraite. Commence à manquer de temps rendu là. On se dit aussi que ce sera vraiment le bonheur intégral quand on aura touché un gros lot, dans l'ordre qui nous mettra à l'abri du besoin jusqu'à la fin des temps. La vérité est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour être heureux que le moment présent. Si ce n'est pas maintenant, quand serait-ce? La vie sera toujours pleine de défis à atteindre et de projets à terminer. Il est préférable de l'admettre et de décider d'être heureux maintenant, pendant qu'il en est encore temps. Être reconnaissant, c'est la conséquence, hein, c'est le bonheur. Pendant longtemps, j'ai pensé que ma vie allait enfin commencer, la vraie vie. Mais il y avait toujours un obstacle sur le chemin, un problème qu'il fallait résoudre en premier. Un temps passé, une dette à payer. Y en a-tu d'autres qui veulent dire de quoi? Qui veulent dire de quoi? Et alors, la vie allait enfin commencer. On doit approcher la retraite maintenant. Jusqu'à ce que je me rende compte que ces obstacles étaient justement ma vie. Cette perspective m'a aidé à comprendre qu'il n'y a pas un chemin qui mène au bonheur. Le bonheur est le chemin. C'est vrai, il n'est plus là, mais enfin. Ainsi passe chaque moment que nous avons, et plus encore quand on partage ce moment avec quelqu'un de spécial, comme moi. C'est à moi qu'il écrivait. Comme vous, OK, comme vous. Et surtout quand on se rappelle que le temps n'attend pas. Votre vie peut s'arrêter aujourd'hui, demain, dans un mois, dans un an ou dans 100 ans. Vous ne pouvez pas le savoir, alors il faut arrêter d'attendre d'avoir fini ses études, d'avoir un plus gros salaire, de se marier, d'avoir des enfants, que ses enfants partent de la maison, ou simplement d'attendre le vendredi soir, le dimanche matin, le printemps, l'été, l'automne, ou l'hiver, pour décider qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour être heureux. Et il faut se rappeler ceci, le bonheur est une trajectoire et non pas une destination. Il n'en faut pas beaucoup pour être heureux. Il suffit juste d'apprécier chaque petit moment et de le sacrer comme l'un des meilleurs moments de sa vie. Alors, je vous souhaite à tous une bonne année 2010 et pour les suivantes, pour vous et pour vos proches. Bon, puis évidemment, bon, il nous souhaite, je suis sûr, il serait d'accord, il vous souhaite aussi une santé à toute épreuve, un moral d'acier, tout ce qu'on peut souhaiter de bon. Alors, voilà. Alors.